Quand l'amour devient une faiblesse, les gens s'arment de violence et de haine. Ça donne une existence ébène sans volonté réelle. Évidemment, nos chances s'éteignent. De nos jours, l'influence éterne. Trop coûte la pénitence à terme. Tu peux lire ma peine dans ce thème. L'important, perso, c'est ce qui réside au fond de nous-mêmes. La discrimination de nos jours, un vrai phénomène. C'est à cause de la peur que se fonde la haine. C'est tous ces préjugés néfastes qui vers le fond nous mènent. Peu importe ta couleur ou ton niveau social, certaines âmes propres étonnamment dans le caniveau sont sales. Et ouais, c'est triste, mais dans ce monde l'injustice est reine. Si un ange pilote la machine, souvent ses mains glissent les rênes. C'est la peur qui pousse le mar à rejeter son prochain. C'est trop chum, on s'approche un peu plus chaque jour du faux chemin. Y'a trop de chiens qui acceptent pas qu'on soit différent d'eux. Trop de gens qui voudraient diviser la sphère en deux. Qui que tu sois, tu devrais avoir le droit au respect. Je suis même pas sûr que certains savent à quoi ce mot correspond. Tous égaux, malgré les différences. Mais ton égo t'entraînera vers l'indifférence. J'écris l'écho d'un peuple et de toutes ses souffrances. Message d'écho, car faut décoller. Partir loin de ses pensées pour un haut niveau de conscience. Mais c'est dur influencé, on contrôle plus que l'on pense. Je fais appel aux gens sensés car peu font preuve de bon sens. Discrimination rime avec crimination. Le respect s'évapore, la population crame ses notions. La discrimination, ça fait un bail qu'elle est omniprésente. Une vie stressante, ce fils pesant, une pente et trop de gens glissent dedans. Discrimination rime avec crimination. Le respect s'évapore, la population crame ses notions. La discrimination, ça fait un bail qu'elle est omniprésente. Une vie stressante, ce fils pesant, une pente et trop de gens glissent dedans. Eh, tu savais pas que c'était les PD, que tu leur serres la main là. Moi je les connais pas, je m'en bats les couilles, moi. Vas-y. Tu crois qu'ils vont me contaminer ou quoi? C'est n'importe quoi là. Tu veux que je les tape? Vas-y. Je sais qui je suis, moi. Personnellement, j'ai rien à voir avec les homos. Je dis pas que ces gens sont mes amis, mais je les perçois comme des humains. Pourrais cracher ma haine, tous ces bombardés de gros mots. Pourquoi se met la zizanie? Je préfère les regarder de loin. Leur faire mal au cœur, m'apportera-t-il une vie meilleure? Une chose est sur la leur, dans la douleur perdra sa lueur. Dur de comprendre les autres, plus facile de cracher un larmeau. Si j'analyse, depuis Marmot c'est alarmant. On vire des larmes au rire, mon cœur en a rien de temps, c'est navrant. À force de rejeter son prochain, se crée un quotidien éreintant. Trop de douleur intense, comme tous tu critiques, mais tu devrais te regarder avant. On reproche aux autres ce qu'on accepte pas en nous-mêmes. Rassuré quand on voit que quelque part on nous aime. L'idéal serait de s'accepter mutuellement, car habituellement on se rejette cruellement. Discrimination rime avec crimination. Le respect s'évapore, la population crame ses notions. La discrimination, ça fait un bail qu'elle est omniprésente. Une vie stressante, ce fils pesant, une pente et trop de gens glissent dedans. Discrimination rime avec crimination. Le respect s'évapore, la population crame ses notions. La discrimination, ça fait un bail qu'elle est omniprésente. Une vie stressante, ce fils pesant, une pente et trop de gens glissent dedans. Quand l'amour devient une faiblesse, les gens s'arment de violence et de haine. Ça donne une existence ébène sans volonté réelle. Évidemment, nos chances s'éteignent. De nos jours, l'influence éterne. Trop goûte la pénitence à terme. Tu peux lire ma peine dans ce thème.